tu sors tout cette oseille. Dis, t'as vu tout ce que tu me payes, sans me dire ce que tu fais. C'est de la folie, baby. Je sens que tu me caches des choses, comme quand tu rentres dans la nuit. Moi je dors pas et je crie, est-ce que tu penses à nous? Moi cette fille là j'en veux pas, je veux juste pouvoir te garder pour moi. Lorsqu'on est venu me prendre tout de ma vie d'avant, j'avais goûté au succès, je ne pouvais plus retourner taf. Et donc j'ai continué à faire comme si ça marchait. Et depuis tout ce temps, je te fais croire que je suis en tournée, alors que c'est l'oseille que je traque toute la journée. On s'est connus au top, en bas je sais que tu vas pas rester. Alors ne m'empêche pas de faire ce qu'il faut pour remonter. Moi cette vie là j'en veux pas, je veux juste pouvoir te garder pour moi. Si tu bétons on fait quoi? Sont venus à la maison pour me poser un tas de questions. Je tiendrai pas, ça c'est sûr. Je vais finir par péter les plombs. Tu me mènes trop la vie dure. Retrouveras-tu la raison? Je suis coincé entre ma conscience et mon mal de vivre, comme si on avait arraché la dernière page du livre. J'essaie constamment de combler ce vide, et perdu dans cet engrenage, ça va trop vite. Je ne trouve plus de limite, alors je comprendrai si tu dois partir. Au pire, je suis trop torturé dans ma tête, je vais te faire souffrir. Même si j'essaie des fois d'arrêter, mon train de vie me rattrape et à chaque fois je dois y retourner. Moi cette vie là j'en veux pas,